Bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, quand on se prend le son Call Duby Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission reggae où je vous présente 8 artistes fabuleux. Comme d'habitude quoi. Ouais oui, comme d'habitude. Allez, je vous propose que l'on commence dès à présent avec notre premier artiste qui s'appelle Tantric Tiger. C'est un chanteur indien. Et oui, qui fait du reggae. Et j'adore ce son parce que, de 1, c'est du reggae. Mais surtout parce qu'il a gardé ce côté, sur l'instrumental, c'est indien quoi, clairement. Enfin, de toute façon, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Dès que je vais mettre le son, vous allez comprendre. Je m'explique mal, mais vous allez comprendre. Mais c'est dimanche soir, donc je suis pardonné, pas bien sûr. Allez, on commence dès à présent, les amis. Bien voilà, mes rastas, c'était Tantric Tiger, We Are One. Ah, un bon son indien pour commencer, ça fait du bien. Allez, notre deuxième artiste est Bob Marley. Eh oui, ça faisait longtemps que j'ai pas passé Bob Marley, donc je me suis dit pourquoi pas remettre Bob Marley. Et surtout que c'est l'une de mes préférées, c'est Redemption Song, et je l'adore. C'est parti, les amis. Minutes are for there to guide. bien voilà mes Rastas, c'était Bob Marley, Redemption Song. Allez, nous continuons avec une autre artiste qui s'appelle Amena. Et elle a repris la chanson Cheerleader de Sia. Ouais, en reggae. Je vais pas vous mentir, cette chanson par Sia, je n'aime pas du tout. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face, man. Non, je n'aime pas cette chanson. Mais j'avoue qu'en reggae, j'aime cette chanson. Donc Sia, c'est quand tu veux pour faire du reggae. Eh oui, Sia. Écoute, il faut faire du reggae, man. Vraiment. Donc Amena, bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait Sia en mode reggae. C'est tout de suite sur Fat Jet, les amis. Let's go. Eh bien voilà mes Rastas, c'était Amena Sia. Elle est notre prochaine chanteuse et Camisa Negra. Elle a fait Nouvelle Star en France et j'ai dit à kiffer, elle a pris, je m'en souviens, DKR de Booba. Mais alors c'était une tuerie. Et là, elle a repris la chanson Je fais le sourd de Jules. Oh yeah. En plus, elle a repris avec des bases reggae acoustiques. Oh là là là là là là. Ah là, je vais pas vous mentir, hein. Je kiffe. Je kiffe de ouf. Bah bien sûr. Donc je me suis dit, je vais vous faire partager ça. Et tout de suite, let's go. Oh yeah. corniche dans mon cabriolet. J'ai des potes qui ont grandi derrière les barbelés. La rue leur joue des tours et les a ensorcelés. Je vois que tu te rends la tête, il suffisait de m'appeler. Au pire, on se serait engueulé. Je fais des tours et des tours. On m'appelle, je fais le sourd. Bien voilà, Merasta, c'était Camisa Negra. Je fais le sourd. Allez, notre prochaine artiste est tout simplement Jamana. Et vous allez voir, c'est une tuerie. Et le titre est Si peu de morale. Eh oui. Donc c'est tout de suite. Let's go. J'ai vu coming soon. Pourquoi si peu de morale s'écoule dans les vaisseaux du cerveau des homo sapiens sapiens? Ce n'est pas bien, pas bien, non, de ne pas voir fièrement les pieds dans le ciment de beaucoup trop d'étiens. Pourquoi si peu de morale s'écoule dans les vaisseaux du cerveau des homo sapiens sapiens? Ce n'est pas bien, pas bien, non, de ne pas voir fièrement les pieds dans le ciment de beaucoup trop d'étiens. Eh bien voilà, Mérasta, c'était Si peu de morale de Jamana. Allez, notre prochain artiste est Post Malone, rockstar en reggae. Eh bien, bien sûr. Eh ouais, vous allez voir, c'est une tuerie. Let's go, les amis. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on a Uzi and show up, name them the shot toss. Then my homies pull up on your block, they made that thing go glata da da. Switch my whip, came back in black, I'm starting seeing rest of peace to bond stars. Close out the whip, blowing smoke, she asked me light a fire like I'm her son. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Was legendary, threw a TV out the window, what a montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend needs a groupie, she just trying to get in. Saying I'm with the band, ay, ay. Now she's acting out of pocket, trying to grab up on my pants. And the bitches in my trailer said they ain't got a man. And they all brought a friend. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a Uzi and show up, name them the shot toss. Then my homies pull up on your block, they made that thing go glata da da. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Pulling thing, got on no bar. Hit her from the back, pulling on her dress, and now she's screaming out no more. They like Missy, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I am with the kicking, I don't kiss that. What they see, I'm looking like a Hossein. Green hundreds in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a Uzi and show up, name them the shot toss. Then my homies pull up on your block, they made that thing go glata da da. Eh bien voilà, mes rastas, c'était Post Malone, rockstar. Allez, notre dernière musique, mes rastas, c'est Danakil, Ne touche pas. Et cette chanson-là, je l'adore, mais alors tellement. Oh, c'est un pur plaisir de l'écouter, les amis, vraiment. Allez, je vous la passe tout de suite, mes rastas. Let's go. Allô? Yes, Nati, c'est comment chez toi? Yes, Malik, ça va? Donc, Dakar, ça se passe? Cool, man, on est là, on s'approche. Chez moi, c'est cool aussi, mais on t'attend, quand est-ce que tu nous visites, là? Ben, je sais pas, c'est un peu chaud en ce moment, visa, passeport, paperasse. Encore? Ben oui. Putain, mais ça s'arrêtera jamais. Ah non, mais ça me saoule, mon frère. On fait quoi? C'est quoi? Vas-y, check un pilo, je t'envoie un récit. Ouais, ouais. Ne touche pas.